À l'occasion du 67e anniversaire du décès de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, la revue d'internet russe Lemchichi a décrit le 21 septembre son affection pour les orphelins de l'école révolutionnaire de Mangyongdae, empreinte dans leurs uniformes. Par ailleurs, la homepage d'internet du Centre brésilien d'études des Ijutsu a inséré un article exaltant les exploits immortels de Madame Kim, qui a contribué à la fondation de la revue Femmes coréennes.